Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On entame aujourd'hui inshallah ta'ala le 11e cours dans cette série, donc cet épître du Cheikh Ibn Baz rahimahullah concernant les invocations et les azkar. Il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah: faslun fi ma yuqalu عند دخول المنزل. Chapitre concernant ce qui doit être dit lorsque on rentre dans la maison. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. Et donc ici, l'auteur rahimahullah qui nous cite le premier hadith, d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: lorsque l'homme rentre dans sa maison, si celui-ci il fait le rappel d'Allah le très haut quand il rentre et quand il mange, alors à ce moment-là, Shaitan, le diable, il dit: vous n'avez pas d'hébergement, ni de repas, ni de dîner. Vous n'avez pas ici d'hébergement, ni de dîner. Mais lorsque l'homme rentre et qu'il ne fait pas le rappel d'Allah Ta'ala, à ce moment-là, le diable, il dit à ses alliés: vous avez un hébergement. Et lorsque l'homme ne fait pas non plus le rappel d'Allah lorsqu'il mange, alors à ce moment-là, le shaitan il dit: vous avez l'hébergement et le dîner, rapporté par l'imam muslim. Et donc, ash-shaitan, barakallahu fikum, ash-shaitan est l'ennemi de l'être humain. Le shaitan, c'est notre ennemi. Et nous devons le prendre comme tel. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le shaytan est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme tel. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Certes, il appelle les siens, il appelle son parti à faire partie des gens de la fournaise. Et donc nous devons faire les causes pour nous préserver de ce diable. Fa hadha al-aduw يَتْبَعُ الْإِنسَانِ. Et donc cet ennemi, il va suivre l'être humain même dans sa maison. Il te suit partout. Imagine-toi un ennemi, il te suit partout, il ne te lâche pas. Même dans ta propre demeure. Cependant, الشيطان, il a une faiblesse, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité dans son livre, وَسْوَاسٌ خَنَّاسٌ. وَسْوَاس, il va insuffler le mal. Khannas, il va laisser la personne lorsque la personne fait le rappel d'Allah. Et donc si la personne fait le rappel d'Allah, ash-shaytan s'éloigne d'elle et la délaisse. Et donc le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala permet d'expulser, de chasser le diable. Et celui qui ne fait pas le rappel d'Allah, alors ash-shaytan va être son compagnon, ash-shaytan va le pousser au mal, va le pousser au péché. Et lorsque l'individu ne fait pas le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala durant le repas, lorsqu'il mange, alors Shaitan va participer avec lui à ce repas. Hein? Est-ce que tu te vois inviter ton ennemi chez toi à la maison pour manger un bon repas avec toi? Personne ne va dire oui, ah non, jamais. Mais non, c'est pas possible. Eh bien, lorsque tu ne fais pas le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Shaitan participe avec toi à ce repas. Et certes, celui qui oublie de faire le rappel d'Allah, de dire Bismillah au début du repas, alors il peut le dire par la suite. Abu Daoud, il cite dans son Sunan, d'après Aisha radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى وإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. Et donc Aïcha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous mange, alors qu'il cite le nom d'Allah le Très Haut. Et si l'un d'entre vous oublie, alors qu'il cite le nom d'Allah le Très Haut, lorsqu'il se rappelle, en disant Bismillahi, au nom d'Allah, awwalahu wa akhirahu, au nom d'Allah, au début et à la fin. Au nom d'Allah, au début et à la fin de ce repas. وعن أبي مالك نتركن دي رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير مولج وخير مخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله خرجه أبو داود بإسناد حسن. Et donc d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous rentre chez lui alors qu'il dise ô Allah, je te demande la meilleure entrée et la meilleure sortie, par le nom d'Allah nous entrons et par le nom d'Allah nous sortons. Et certes, c'est en Allah notre Seigneur que nous plaçons notre confiance. Puis, lorsqu'il a dit cela, puis il passe le salam à sa famille. Puis il salue sa famille. Tu cites le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala avant de saluer ta famille. Et donc cette invocation, barakallahu fikoum, elle nous montre ici aussi l'importance du tawakkul. Le fait de placer notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, dans le fait de nous protéger, dans le fait de nous secourir. Et certes, Allah Azza wa Jal qui dit « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Celui qui place sa confiance en Allah, alors celui-ci lui suffit. L'auteur qui continue, il nous dit « فَصْلٌ فِي مَيُّكَالُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ » Chapitre concernant ce qui est dit lorsque on sort de la maison en direction de la mosquée ou autre. Et donc, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on sort de la maison ? An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qol. Qol Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man qala idha kharaja min baytihi bismillah tawakkaltu ala Allah لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقال لشيطان آخر فيقال لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ورواه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد حسن. Et donc d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous sort de sa maison alors qu'il dise Bismillah, au nom d'Allah, tawakkaltu ala Allah, je place ma confiance en Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a nul changement, ni force, il n'y a pas de changement ni de puissance sans Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a de changement et de puissance que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc celui qui dit cela, il lui sera dit kufita. Et donc cela te suffit. Wa wuqita. Et tu es protégé. Wahudita, et tu es guidé. Watanahanhu shaitan, et le shaitan s'écarte de lui, s'éloigne de lui. Tu sors de chez toi, tu fais cette invocation, et shaitan il s'écarte de toi. Et il sera dit à un autre shaitan, que peux-tu faire à un homme, donc, qui est guidé, et dont Allah, son Seigneur, lui suffit, et qui est protégé. Que peux-tu faire contre lui? Et donc ce hadith a été rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i et al-Tirmidhi avec une bonne chaîne de transmission. Et donc celui qui se fait humble pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal l'élève. La personne, elle sort de chez elle et elle admet que tout ce qu'il peut lui arriver de bien, tout changement qui peut arriver dans sa vie, tout cela ne peut arriver que par Allah Azza wa Jal. Il n'y a de changement dit de puissance que par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc le serviteur, lorsqu'il sort de sa maison et qu'il fait le rappel de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et qu'il admet le fait qu'il ait besoin de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, celui-ci va donc admettre qu'il place sa confiance en son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et qu'il a besoin de lui. Cela va renforcer sa foi et son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala va l'assister. Car certes, Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa qalat Ummu Salamata radiyallahu anha, ma kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min bayti qattu, illa rafa'a tarfahu ila as-sama'i wa qal, Allahumma inni a'udhu bika an adil, aw udal, aw azilla, aw uzal, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح. أم سلمة l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم, elle dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم n'est jamais sorti de ma maison sans avoir dit, sans avoir levé les yeux vers le ciel, en disant, ô Allah, certes j'implore ta protection contre le fait de m'égarer ou contre le fait de ou contre le fait qu'on m'égare, contre le fait que je glisse ou contre le fait qu'on me fasse glisser, contre le fait que je sois injuste ou contre le fait qu'on me fasse injustice, contre le fait que j'ignore et contre le fait donc qu'on se comporte avec moi avec ignorance, rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud al-Tirmidhi et Ibn Majah, et les termes qui sont cités sont les termes d'Abu Daoud et sa chaîne de transmission est authentique. Et donc la parole de Umm Salama au début de ce hadith nous montre qu'il est recommandé de faire cette invocation à chaque fois qu'on sort de chez nous. Parce qu'elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette invocation, elle dit, il n'a jamais quitté ma maison sans faire cette invocation. Il n'a jamais quitté ma maison sans faire cela. Et donc il le faisait à chaque fois. Et aussi, deuxièmement, on comprend de ce hadith un point important, barakallahu fikoum. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève les yeux vers le ciel, et ensuite qu'il invoque, cela nous montre quoi? Que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus du ciel, au-dessus des cieux, établi sur son trône. Et donc, comme est surprenante la situation de ceux, comme Al-Asha'ira, et ceux qui les ont suivis, comme Jama'at al-Tablir et d'autres, qui vont rejeter les attributs d'Allah Azza wa Jal, et qui vont rejeter le fait qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du ciel, établi sur son trône. Et donc, lorsque vous voulez faire cette sunna, que vous voulez lever les yeux vers le ciel, pourquoi? Pourquoi? Si on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus du ciel, si on ne peut pas dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est au-dessus des, est au-dessus des cieux, ou alors si on ne peut pas dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est quelque part, comme vous le dites, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à une femme, Ein Allah, où est Allah? Et pourquoi, lorsque cette femme, elle a dit, vis ses mains au-dessus des cieux, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, libère-la, elle est croyante. Il a affirmé que cette femme est une croyante. Et donc cette situation est surprenante. La situation de certaines personnes qui vont accomplir certains actes de l'islam, mais qui en réalité vont rejeter certains fondements de l'islam. Et ce rejet qu'ils font, ce rejet qu'ils ont, est un rejet qui peut les faire sortir de l'islam. Car ils rejettent ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé concernant lui-même. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, dans l'invocation, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal, ô Allah, j'implore ta protection contre le fait que je m'égare ou qu'on m'égare. Donc la personne implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le fait de s'égarer elle-même, et donc contre le fait de faire les causes qui vont mener à son égarement, comme le fait d'écouter n'importe qui, comme le fait, on va sur YouTube, sur Google, on écoute n'importe qui, et après on s'étonne qu'on ne comprend pas la religion, et on s'étonne qu'il y a un désordre total, comme c'est le cas actuellement pour les musulmans de Martinique, donc durant ces jours-ci. On s'étonne qu'il se passe n'importe quoi, que les gens font n'importe quoi, parce qu'on apprend de n'importe qui déjà à la base. On apprend de n'importe qui. Et donc il faut qu'on corrige ce point-là. On veut qu'Allah nous guide. Faisons les causes. Si ton enfant demain, ton enfant te dit, moi je veux réussir à l'examen, mais il ne révise pas. Tu lui dis, mais mon enfant, mais tu as un problème. Comment tu veux réussir à l'examen, mais tu ne révises pas? Oui, je ne révise pas, mais je vais réussir, Inch'Allah. Mais tu vas réussir quoi? Tu as révisé ta table de multiplication? Non. Tu l'as mémorisé? Non. Mais comment tu vas faire l'examen? Je vais réussir, Inch'Allah. La ilaha illallah. Et donc nous on fait le même principe dans la religion. On veut qu'Allah elle nous guide. On est là à chaque prière, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie de rectitude. Mais on écoute n'importe qui. Mais guide-nous quand même vers la voie de rectitude. Et on va continuer à écouter n'importe qui. Mais guide-nous quand même vers la voie de rectitude. La ilaha illallah. Ya jama'a, il faut qu'on se réveille au bout d'un moment. Il faut qu'on corrige cela. Il y a aussi dans ce hadith, barakallahu fikoum, lorsqu'il dit, ô Allah, j'implore ta protection contre le fait de glisser, ou contre le fait qu'on me fasse glisser. Ici, le serviteur implore la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala, contre le fait de délaisser l'istiqama, la droiture. Le fait de glisser, c'est le fait de délaisser la droiture. Lorsqu'il va faire des péchés, tu dois t'efforcer de rester sur la droiture, délaisser les péchés, délaisser les bidards, délaisser les transgressions tous les jours, chaque heure, chaque minute. Tu dois t'efforcer de rester sur la droiture. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. Oh, certes, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui suivent la rectitude. Alors ceux-là, les anges descendront sur eux en disant, n'ayez pas peur et n'ayez pas de crainte. Mais nous annonçons la bonne nouvelle du paradis. Et donc, istiqama, le fait de rester sur la droiture, sur la rectitude, c'est un sujet qui est trop important. Et donc, invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il te permette de rester sur la droiture, sur la rectitude, et que tu ne tombes pas dans des péchés à droite à gauche, et que tu glisses toute la journée, t'es par terre. Et donc, nous devons nous efforcer, barakallahu fikoum, de délaisser les péchés au maximum. Dans sa parole, lorsqu'il dit au ajhala au yujhala alayhi, et j'implore la protection d'Allah contre le fait d'ignorer ou qu'on agisse avec moi par ignorance. Et donc ici, tu invoques la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le fait d'ignorer ce qu'il t'est obligatoire de savoir. Le musulman, il y a des choses qui lui est obligatoire de savoir, comme la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Et donc, ça nous pousse, barakallahu fikoum, à apprendre. À apprendre, on doit apprendre. Tu es là, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il te protège contre l'ignorance, mais tu ne fais pas les causes pour apprendre. Il y a des cours, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des cours près de chez toi, côté où tu es où? Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait des cours sur ton île. Allez, je ne dis pas à côté de chez toi, je dis sur ton île. Hein? Avant, les gens se plaignaient, ah, il n'y a pas de cours, ah, il n'y a pas assez, ah, il n'y a pas, ah, il n'y a pas. Tab, il y a. C'est trop de faire 45 minutes de route? C'est trop? Ah, il y a football. La ilaha illallah. Il faut que on arrive à connaître où sont les priorités. Où sont les priorités? On arrive à monter, on arrive à aller dans le nord de l'île quand c'est pour des affaires de commerce, business, etc. Mais quand c'est pour apprendre notre religion, non, c'est trop difficile, c'est trop loin. Non, là-bas à Sainte-Marie, c'est plus la Martinique, là, c'est un autre endroit. Et donc, il y a des efforts à faire. Barakallahu fikum. On va arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.